Moi, je restais auprès du téléphone. Je contemplais cette merveille de la technique humaine, le téléphone. Le téléphone au chevet de mon lit était noir, comme moi, je crois avoir pensé. Dieu sait pourquoi j'ai pensé ça, à supposer que je l'ai fait. Le téléphone de la salle de bain était gris, le téléphone de la cuisine était bleu, bleu ciel. Turn away. have a beer. It's on me. Has anyone ever told you that you look like a star? Could have said at the bar. So I drink, 'cause it makes me happy not to be it alone. My good friend Johnny Walker keeps me warm like a touch. Seems like everybody's got something I have not. A reason not to die, death to Mr. Right, 'cause that's not me. Le soleil brillait ce matin-là comme je n'ai jamais vu le soleil briller. On l'avait retrouvé gisant dans une mare de sang. Pourquoi dit-on une mare ? Une tempête, une violence, un prodige de sang. Son sang, le sang de mon frère, le sang de mon frère, le sang de mon frère, mon sang, le sang de mon frère, mon sang, le sang d'Arthur, imbibant la sueur d'une pissotière dégueulasse, dans le sous-sol crasseux d'un pub londonien crasseux. Oh non, Arthur, je crois que j'ai ri. Je crois que je n'ai pas pu pleurer, mon frère. La maison était vide. Rose faisait des courses. Tony et Odessa étaient à l'école un jeudi matin. quand je parle, c'est un réel, et un miroir. Seul, c'est une image, on ne dit pas. C'est un miracle, on ne dit pas. Quel est mon nom? Suis-je réalité ou une impression? Hallucination, on ne dit pas. Hallucination, on ne dit pas. Mon frère, sais-tu, ami, comment un frère aime son frère? Sais-tu l'extraordinaire, le péremptoire face à face avec la vérité que recèle ce simple mot? Simple mot, oui, non. Tout devient irréfutable, indéchiffrable, devant un événement encore plus inimaginable que sa propre mort. C'est votre propre mort qui prend place bien au-delà des confins de votre propre imagination. ou en tout cas bien au-delà des confins de mon imagination. Et sais-tu combien mon frère m'aimait, comme il m'aimait, et sais-tu que je ne le savais pas? N'osais pas le savoir, le sais-tu toi? Non, non. We made it tell our little story about this little dog fella. Well, it was a kind of a little wolfy type dog like a dude. With a protruding snout, big old ears, a black tipped tail, and a long gray beard. Which means you got your rights. You got the right to get whatever you can afford to pay for. So ain't you lucky? I'm the man here to make it for you. Now, behind this door is something you ain't never seen before. I'm sure I need to tell you, but what are you? you see in here stays in here. Right? Oh, come on, Anne. I ain't doing this for the good of me health. Show us your lolly. Lovely. All right, mate, we'll have a good one. Top of the stairs on the left, yeah, and there's a tissue dispenser on the wall. Don't leave no mess or else. Some people are filth, I tell you. Yeah! Je regardais le téléphone. Le téléphone demeura silencieux. C'était le téléphone noir. Je titubais jusqu'au téléphone gris dans la salle de bain. Peut-être ai-je pensé qu'il aurait pitié de moi si je m'asseyais humblement sur le trône. Rien ne sortit de moi, pas même de la pisse, et le téléphone ne sonna pas. J'allais vers le téléphone bleu ciel dans la cuisine et je le contemplais et le recontemplais. Il me contempla aussi par-dessus son arc-en-ciel bleu, et il ne sonna pas. Comment peux-tu me faire ça? Comment peux-tu me dire ce que tu viens de me dire, et maintenant rester planté comme ça par-dessus ce putain de bon dieu d'arc-en-ciel? Et te taire! Oh, si tu étais un homme comme moi, oh, oh, oh, Arthur, parle. Je sais, je n'ai pas toujours été gentil avec toi. Je gueulais quand je n'aurais pas dû gueuler. J'étais absent quand j'aurais dû être présent. Je sais. Et parfois, tu m'emmerdais à plein tube, et j'en avais ras-le-bol de tes histoires, et je connaissais toutes tes petites ficelles à la con, vieux, et comment tu roulais les gens. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Tu ne roulais pas vraiment les gens. Tu chantais, et s'il existait une escroquerie quelque part, ce sont les gens qui te roulaient, mon frère. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient la chanson, et le prix de la chanson, et la gloire de la chanson. Tu chantais. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh non, non, non. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Abandonnez-moi si vous voulez, et je m'en tape. Mais rendez-moi mon frère. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Yeah! je ne pleurais pas. Rien ne sortit de moi, pas même de l'eau. Je restais con et nu comme un ver sous la douche. Je m'épongeais et me rasais, très très lentement, très très soigneusement. Je rasais quelqu'un d'autre. J'examinais mes yeux. C'étaient les yeux de quelqu'un d'autre. Je me peignais. Le téléphone ne sonna pas. Bientôt, il me faudrait soulever l'appareil, faire un numéro et prendre un avion. London Bridge s'écroule, my fair lady. We'll be right back. Rose me retrouva nu, allongé sur le dos, sur le sol de la salle de bain, le rasoir à la main, et le téléphone sonnait. We'll be right back. Deux ans ont passé. Si Arthur était vivant aujourd'hui, il aurait près de 41 ans. Je suis l'aîné et j'aurai 48 ans cette année. Je m'appelle Hall Montana. Je suis né en Californie, mais Arthur est né à New York et nous avons grandi à New York. We'll be right back. Notre père, Paul, est mort depuis plusieurs années. Il est mort, je pense, d'avoir traversé un continent pour se retrouver à New York. Il était né à Tallahassee, avait grandi à la Nouvelle-Orléans et avait mené une vie dure, très dure, en Californie. Il est mort en tout cas pendant qu'Arthur était encore Arthur, Dieu merci. Et il avait quitté la scène avant le déclin d'Arthur. Florence, notre mère, une fois Arthur enterré, retourna à la Nouvelle-Orléans, où Paul et elle s'étaient rencontrés, et elle y habite à présent, chez une de ses sœurs cadettes. Ruth et moi, et les mômes, essayons d'y aller une quinzaine de jours chaque été, et parfois je ramène maman pour Noël. Mais elle ne se plaît pas ici. Peut-être qu'elle ne s'y est jamais plus, mais maintenant, quand elle vient, je sens bien qu'elle accuse le coup. Elle ne dit rien, la douleur est au tréfonds de ses yeux. Je la surprends parfois quand elle est simplement assise, immobile, en train de regarder la télévision, ou par la fenêtre, ou encore quand elle marche dans la rue. Elle n'aime pas aller à l'église ici. Elle dit que les gens n'ont pas d'âme, que leur religion n'est que bruit et spectacle, qu'ils ont perdu la véritable religion. C'est peut-être vrai. Je ne vais pas à l'église, mais même si ce qu'elle dit est juste, et je me souviens aussi comment ces gens ont traité Arthur quand il a fait autre chose que du gospel, ce n'est pas la raison. N'importe quelle église ici pourrait bien voir Jésus au bout du fil, jour et nuit, que maman ne s'abaisserait jamais à s'approcher de ce téléphone. Non, jamais. Elle n'aime pas cette ville parce qu'elle lui a volé son fils, et elle sent que les gens d'église, quand ils se sont dressés contre lui, sont devenus directement responsables de sa mort. Mais elle va à l'église chez elle, dans le sud, là où elle peut pleurer et prier, loin des gens méprisables dont les langues venimeuses ont mis en pièces son enfant. Elle peut chanter toute seule, sans craindre qu'on se moque d'elle, et trouver force et consolation dans l'hymne qui dit « Il ne savait pas qui tu étais ». Et alors, là, elle ne chante pas seulement Jésus, elle chante son fils. Peut-être tous les chants gospel sont-ils nés du blasphème et de la présomption, ce que l'Église appellerait blasphème et présomption, s'identifier à la souffrance de Dieu et la faire sienne, s'identifier à sa propre souffrance et mettre le Tout-Puissant au défi d'accorder ou de refuser sa miséricorde. Nous serons deux au pied de la pitié, mon Dieu et moi. Deux ans ont passé et je n'en ai jamais réellement parlé, ni à Ruth, ni à mes enfants, Tony et Odessa, qui adorent leur oncle, ni à Julia, ni à Jimmy. Et ils ne peuvent pas en parler tant que je n'en parle pas.

Je sais que j'ai tort de les piéger dans mon silence. Peut-être est-ce en partie parce que je fus de l'impresario d'Arthur. J'ai dû parler de lui pendant des années, de son vivant, et puis après sa mort, comme d'une propriété, comme d'une star. Je devais le protéger parce que, Dieu me pardonne, ce petit comte nègre ne savait pas se protéger lui-même. Ça me faisait craindre de le perdre en tant que frère, qu'il puisse penser que je le considérais aussi comme la boîte de conserve que n'importe qui pouvait acheter et que tout le monde vendait et trahissait, mec, pour de drôlement jolis profits. Some time. You can wear a mask on. Je ne crois pas qu'il me voyait ainsi. Je sais que non, sinon il serait mort bien plus tôt. Je le sais parce que je sais qu'il n'a jamais essayé de me cacher quoi que ce soit, bien que, à l'occasion, il essaya de me protéger aussi. Je sais que je l'aimais et il le savait. Je l'aimais de tout mon cœur. Même quand parfois il me foutait tellement en rogne que j'avais envie de le réduire en bouillie. Il se rendait la vie si dure, enfin. Ce n'est pas vrai non plus. Il vivait la vie qu'il vivait, comme tout le monde, je pense, et il payait son dû comme tout le monde. Peut-être ce que je veux dire par « il se rendait la vie si dure », c'est qu'il essayait toujours de payer son dû d'avance. Ce qui n'est pas toujours possible. On pourrait même appeler ça une mauvaise habitude. Peut-être que certains dus sont payés. Certains dus peuvent n'être qu'un mauvais souvenir. Mais vous ne pouvez pas en être certain, à moins de pouvoir faire confiance à votre mémoire. La vérité en tout cas, c'est que je me taperais complètement de toutes ces spéculations abstraites si je n'essayais pas de parler de mon frère. Il était sur la scène. Il était sous les feux de la rampe et c'est ainsi que je le voyais. Plus clairement que je ne me verrai jamais moi-même. Dans ce monde où marche tout.